Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est déjà sur une émission en direct parce que le calendrier fait qu'on n'avait pas d'autres créneaux à vous proposer sinon avant un long moment. Plein de très bonnes choses à s'écouter ce soir, trois focus au programme et des petites nouveautés. Le très très lourd nouvel album d'Ericain de J-Space, le retour, sans trop de surprise, de Imen Holocaust avec l'annonce de la fin du projet Clit Eater, hein, composé notamment du chanteur de Imen Holocaust et Vice Versailles. Les Frenchies de Head Surges, ex Uppercult, etc., etc. Voilà, plein de très bonnes choses à s'écouter. On s'envoie une petite doublette tout de suite avec tout d'abord les Nippons de Cruelty. Le groupe qu'on a eu à Tours il y a une dizaine de jours pour un show ultra vénère. Untopia, c'est le nom de ce nouvel effort studio, une sortie déjà dispo chez Profound Lore Records. Un cocktail vraiment très très efficace de Death Doom hardcore. Le sol du temps machine s'en souvient encore d'ailleurs, et m'écoute avec. Et en doublette avec Cruelty, les vétérans du trash ricain Overkill. Ils sortent un énième effort studio intitulé Scorch. Je crois que VL va nous préparer un petit focus histoire de se farcir toute la discographie. il dit non, le fragile. Overkill, une sortie Nuclear Blast, on s'écoutera le titre Harder They Fall, et juste avant ça, donc Cruelty Burn the System, le bien nommé en ouverture de l'émission de ce soir. We'll be right back.

La doublette suivante intégrera une nouveauté, mais tout d'abord les Brutas italiennes de D'Evangelique. Le groupe nous sort un excellent nouvel effort studio. Dans cet effort studio, on retrouve leur nouveau vocaliste, hein, Paolo Citti. Xul, c'est le nom de ce quatrième effort studio. Musicalement, on peut même rapprocher ça des inspirations de Nile, hein, puisque c'est un thème égyptien, divinité égyptienne sur ce nouvel effort studio, extrêmement quali et ultra brutal. Sol An Varma, c'est le groupe que l'on retrouve en doublette avec D'Evangelique, c'est la première nouveauté de ce soir. Sol An Varma, je présente ça comme si c'était un groupe méditerranéen, italien ou espagnol, alors qu'en fait c'est un groupe islandais. Est-ce qu'on parle régulièrement de la consanguinité de la scène black metal islandaise? Oui. Est-ce qu'on en parle assez? Non. Du coup, c'est l'occasion de revenir encore dessus. Hein. C'est une formation qui nous vient sans trop de surprise de Reykjavik, qui compte dans ses rangs des membres de Mayspearming, Naora, Carpenoctem et autres Svartilodi. À la base, Sol An Varma, c'était un projet éphémère qui s'était réuni autour du Roadburn 2018, hein, et qui avait, donc voilà, autour de ce petit All-Starman, proposé un set exclusif de 70 minutes. Et puis voilà, sous le nom Sol An Varma, hein, qui peut se traduire par Soleil sans éclat, et ben les Icos se sont dit, bah yes, en fait, on va faire carrément une version studio de ces 70 minutes de musique. Et voilà, il vient tout juste de sortir en album. 5 ans, donc, pour mettre sur CD, vinyle, cette comment dire, cette collaboration consanguine islandaise. C'est puissant, c'est islandais, donc derrière on retrouve forcément même des inspirations de la scène black française, hein, Deathspell Omega en tête. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les titres, tout simplement, il y en a 12. Avrigoy, j'avoue que voilà, mon islandais est un peu rouillé, que l'on peut traduire par variante ou altération. Voilà, c'est du vieil islandais en plus. Ce nouvel effort de Saran Varma, le premier, est dispo. Une signature Van Records au passage. On s'écoutera le titre Avrigoy 6 et juste avant ça, D'Evangelique, Ignominious Flesh Degradation, extrait de l'album Xul, une sortie Willowtip. C'est ça, Willowtip Records, c'est parti. Thank you. 20h24 à la pendule de Radio Béton, comme assez souvent quand on est présent en direct maintenant, on a l'opportunité de commencer dès 20h. Donc voilà, on est déjà bien lancé dans l'émission de ce soir. Et c'est l'heure de retrouver l'ami Thibaut pour sa première présentation de Focus pour ce soir. Salut! Salut, bonsoir à toutes et à tous. Premier Focus de la soirée et on va dans la tendresse, la douceur, la délicatesse, la gentillesse. La générosité. La générosité. Ouais, on est dans le partage. Direction les États-Unis avec un groupe qui nous vient de Philadelphie, Jesus Peace, qui sort leur second album. Une formation de hardcore teintée d'influence death metal, légèrement sludgy par-dessus. Autant dire que ça dégouline pas mal, c'est assez crado. Ils ont sorti un premier album en 2018, Only Self, qui avait, enfin personnellement, m'avait déjà bien marqué parce que c'était des bons gros coups de savate dans la figure. Un excellent album, violent et déjà un peu chaotique. On reviendra un petit peu sur cet aspect chaotique un peu plus tard dans la chronique. Et donc là, ils sortent leur second album, So and No, une sortie chez Century Media. Le groupe, il a pas une histoire très longue parce qu'il s'est formé en 2015. À noter quand même que le chanteur, donc Iron Heard, il a accompagné une partie de leur tournée, le groupe No Zodiac, qui est également dans la douceur et la subtilité absolue. Groupe de pareil hardcore, on va dire hardcore pour simplifier, mais il y a toujours une touche un petit peu métal. De là à parler de metalcore, je trouve que c'est très réducteur vu comment est connoté le titre metalcore aujourd'hui. Metalcore, hardcore metal, je sais pas trop, mais on va les mettre dans ce lot de groupes. On reviendra un petit peu sur d'autres groupes de cette scène-là parce qu'il y a un petit peu aussi à dire dessus. Donc voilà. Sinon à côté de ça, bah il y a les membres, ils ont gravité dans quelques projets hardcore à droite à gauche. Mais rien qui m'a semblé notable, en tout cas rien que je connaisse sur ces groupes de hardcore. Bah, notez déjà que le line-up est le même depuis 2015. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, 8 ans, 2 albums, quelques EP, split, etc. Et le line-up a pas bougé d'un pouce. Complètement. Je m'arrête pas spécialement sur la pochette que je trouve assez dégueulasse. Vraiment, c'est pas ma cam. C'est toujours assez nébuleux les pochettes de Jesus Peace. Puis là, en plus, il y a une espèce de nouveau logo, alors à savoir si c'est juste pour la période de l'album ou si c'est une vraie évolution esthétique. Ouais, j'adhère pas. Vraiment, vraiment pas ma cam au niveau que ce soit de la pochette, je préférais le premier album qui était un petit peu plus... qui était complètement sobre pour le coup, mais au moins il avait le mérite de pas être moche. Voilà, en toute objectivité évidemment. Ouais. Mais sinon, côté musical, c'est ultra lourd, c'est terriblement violent. C'est colérique, bas du front, on va dire bas du front, même si ça reste terriblement bien construit dans la globalité de l'album. On a des breaks qui te bousillent les neurones, enfin vraiment, t'as des passages où t'as juste envie de retourner la pièce en entière. Et on sent toujours, donc je disais qu'en intro, t'as eu des influences death metal, mais on n'est pas du tout dans cette nouvelle vague de slam death, slam deathcore. T'as vraiment une influence qui vient des États-Unis et qui vient du vieux death metal des États-Unis, qui rend cet aspect un petit peu cradingue, un petit peu dégoulinant que tu vas avoir dans l'ensemble de l'album. Et pour moi, ça contribue à ce que l'ensemble soit terriblement charnel. On en parlait un peu en off avec Sylvain, lui il trouvait que le son était un petit peu trop clean par rapport à ce que pourrait proposer le truc. Bah, notamment, tu vois, juste au niveau de la prod, alors le son est ultra puissant, je trouve que la batterie est absolument chirurgical, ouais. Mais c'est au niveau du traitement sur la voix, je trouve que la manière dont c'est finalisé, ça gâche un peu, ça donne un peu le sentiment de « Wow, Aaron, en fait, t'es ultra vénère, mais là, il va falloir qu'on lisse un petit peu. Mm-hmm. » Et il y a un traitement un peu saturé, mais linéaire sur tout l'album, ouais. qui effectivement, par rapport au premier, gâche un petit peu cet aspect très... primitif et viscéral qu'on pouvait retrouver sur le chant, qui est une part très très très importante de la musique de Jesus Peace. Et effectivement, c'est un peu le truc dommageable sur ce nouvel album. Ouais, je te l'accorde, après réflexion là en en parlant, tu vois, cet aspect coup de poing qu'avait vraiment le premier au niveau du chant, t'as un aspect plus lisse, plus sur la longueur, et peut-être le fait qu'il n'y ait pas assez de variation, non pas dans le chant, mais dans le traitement du chant. Exactement. Le traitement du chant ne contribue pas correctement, je pense, à rendre les compos. À sa valorisation. Ouais. Mais voilà, bon, on reviendra dessus, mais c'est un groupe qui. Enfin, on reviendra dessus. C'est un peu la conclusion de la chronique, mais c'est un groupe qui, de toute façon, prendra tout son sens en live. Parce que c'est un groupe qui est taillé pour ça, et ça sera sur scène que les compos rendront compte leur dimension et leur, leur impact. On va parler d'impact. Dans toute cette scène, en fait, là, ce que j'ai trouvé assez sympa dans cet album, c'est que tu ressens un petit peu l'influence de ce qui s'est fait ces dernières années dans cette branche, justement, de hardcore metal, metal hardcore, avec les groupes comme Knock Loose, qui a quand même posé des grosses bases de ce qu'était le chaotique hardcore teinté de métal par-dessus. Et pardon. Et t'as Knock Loose, t'as du Code Orange aussi. Et c'est pas étonnant de les avoir vus tourner un petit peu ces quelques dernières années avec eux et de retrouver un petit peu cette, cette vibe-là, ce son-là dans ce qu'ils proposent. T'as des gros passages avec des gros Larsen, des gros moments de tension que tu peux retrouver justement dans ces groupes-là. Donc voilà, une petite... c'était déjà présent. J'ai trouvé que là, c'était encore plus présent dans les compositions et ça apporte vraiment quelque chose. Donc voilà, un bon équilibre, je trouve, justement, entre ce côté très frontal du hardcore qui tire sur le beatdown des fois et des compos qui viennent un peu plus du Death Old School et qui vont rajouter plus de fioritures, plus de travail dedans. Bah, ça transparaît d'ailleurs dans la durée des morceaux, hein, parce qu'on est sur 10 titres pour à peine 28 minutes, on a des morceaux qui font autour de 2 minutes, on en a quelques-uns qui dépassent les 3 minutes, parce qu'on a, tu vois, sur le côté un peu baveux, on a quelques influences un peu sludgy, ou plutôt death metal mid-tempo à la sauce floridienne. C'est vrai que ça va piocher un peu dans ces ambiances-là, avec toujours une putain de colère vindicative portée très très haute par le chant de Aaron qui est possédé sur scène en live. Et c'est un peu ma tristesse d'avoir systématiquement raté leur passage en France, mais ce n'est que partie remise. Ouais, bah voilà, c'était la conclusion. On espère une tournée bientôt en France, peut-être avec des groupes entre guillemets locaux type Malevolence ou des choses comme ça qui pourraient complètement se greffer sur une affiche comme ça. Mais non, Malevolence n'est plus. Mais si. Une doublette pour illustrer ce focus de Jesus Peace, An Offering to the Night, Tunnel Vision, extrait d'album So Unknown. À noter au passage un petit up en termes de label puisque de Profound Lore Records, ils sont quand même passés maintenant chez Century Media. Stalk. These empty plants, they will never. La suite, c'est une doublette dans laquelle on va retrouver des groupes à chanteuses. On a tout d'abord les vétérans allemands de Holy Moses qui sortent un album qui clôture leur carrière musicale en studio, Invisible Queen. À noter que ce nouvel effort studio regorge de petites choses plutôt cool, hein. On a une version B en fait de l'album où ce sont tous les titres de l'album de la version A où en fait on retrouve tout plein de vocalistes en tout genre qui viennent poser la voix sur eux les titres de ce dernier album. On retrouve Tom Angel Reaper, on retrouve Bobby Blitz de Overkill, Diane Skidman qui est tout simplement le vocaliste de Meshuggah. On retrouve la gueulard de Nervosa. Enfin voilà, c'est un bel hommage à la carrière de Holy Moses, et en même temps c'est se faire plaisir avec plein de copains. En doublette avec Holy Moses, on retrouve Gel, la jeune formation ultra colérique de hardcore dont on a fait un petit focus il y a deux semaines maintenant. Only Constant, c'est le nom de ce nouvel effort studio. Holy Moses, Order Out of Chaos. Gel, la doublette Snakeskin, enchaînée à Dissey. C'est parti. Riding at dawn alone. La suite, c'est Xalpen. Ça nous vient du Chili, de Santiago du Chili plus précisément. Et c'est bah, du black qui nous vient du Chili, hein, tout simplement. C'est presque une étiquette maintenant, hein, ce black revival. Première ou seconde vague, selon les inspirations. The Curse of Knyriapt, c'est le nom de ce second effort studio de Xalpen. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors là, on est plus effectivement sur un black seconde vague, puisque dedans, on retrouve le bassiste Session Live, enfin, Session, tout simplement, de Vatain, ce qui fait des lives, mais il participe certainement aussi aux versions studio depuis 2007. Donc voilà, c'était au passage un vétéran de la scène extrême chilienne. Xalpen, 10 titres pour presque 50 minutes de musique. Ça nous renvoie légende et à la culture précolombienne. L'album est déjà disponible et en doublette le retour des Danois de Hetsphere, le groupe de Trash Death qui là a pris une grosse évolution moderne Trash Death, presque groove metal. Hatred Reborn, bon, pas plus séduit que ça pour ce nouvel effort studio qui marque l'arrivée d'ailleurs sur Galette du vocaliste qui a pris la suite de S-Bun, hein, qui du coup a quitté le groupe en 2018. Voilà, les présentations sont faites. Xalpen, The Beast from the East, extrait de l'album The Curse of Knyriapt. Hetsphere, Spitting Teeth, extrait de l'album Hatred Reborn. C'est parti. Forces.